Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició del vostre espai. Hola, la music, la música en francès amb Rafael Corbí. Notareu que hem canviat la sintonia. No és que a partir d'ara sempre soni aquesta, però sí que ho farà amb uns quants programes, perquè són els programes que ens porta Hola, la music més desenfadats, amb música més diversa i programes que són més de l'època en la qual estem. Per tant, música aleatòria, música amb protagonistes d'àlbums que hem destacat d'una manera o una altra a través d'anteriors espais. I avui els aprofitem, la majoria d'ells amb artistes que hem anat descobrint. Com, per exemple, el nostre fantàstic i conegudíssim Jean-Jacques Goldman, que ens porta algunes cançons, com per exemple Cançons d'amor, del seu disc que se'ns acostarà, l'Integral, amb l'edició setena, 1, 2, 3, del 1989 al 1990. Aquest disc es va editar l'any 1991. Fredericks Goldman Jones. Hystérie du moment, écran roman tout le temps, des petits, des lourds, des vrais, d'autres du flanc, c'est trop fini, sans-en. Ça dégouline de tous les magazines. Ça colle aux doigts, ça colle au cœur, c'est dégoûtant. En vérité, qui pourrait m'en citer? Un seul qui lui est donné. Plus de liberté, des amours propres, des plus à j'en ai croisé souvent. Enfants, parents, photos souillées, charmants. Mais pour venger tous leurs échecs, donnant, donnant. Amour vautour, aux vitrines, j'en ai vu, mais des amours. Un trio excepcional que ens portaven aquest grup de tres artistes francesos, Jean-Jacques Goldman, Carol Fredericks i Michel Jones, establits el 1990. Durant 6 anys ens van portar excepcional música, fins al 1996, després de la separació, varen continuar cadascú la seva carrera en solitari, però varen esdevenir molt bons amics i varen continuar amb diversos concerts especials, interpretant música tots tres conjuntament. Dos àlbums extraordinaris a destacar, de Fredericks Goldman Jones, el 1990, aquest, i el Rush, el 1993. Acabem d'escoltar aquest tema, un tema preciós que es deia Chansons d'amour. De totes maneres, aquesta cançó que escoltarem a continuació és la que continua sent la seva cançó més coneguda. En Osac Manqué és un dels grans temes de la història de la música. Soleil, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osé. Oh, à nos actes manqués. À tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté, tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde à ses douleurs qui ne me touchent plus, aux notes au solo que je n'ai pas inventées, tous ces mots que l'on trop fait rimer qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés. Actes manqués. Juste frôler aux trahisons que j'ai pas vraiment regretté, aux vivants qu'il aurait fallu tuer, à tout ce qui nous arrive enfin mais trop tard, à tous les masques qu'il aura fallu porter, à nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs, aux peurs impossibles à échanger. Oh, nos actes manqués. Nos actes manqués. Nos actes manqués. Nos actes Tot i la preeminència de James Jackson, Goldman, amb aquest trio, els altres dos protagonistes, Cradle Frederick i Michael Jones, van ser també part indispensable com a cantants, no només com a guitarrista, en el cas de Jones, o de vocalista acompanyant el cap de Frederick, com en anteriors col·laboracions amb Goldman. Per exemple, amb aquest tema que acabem d'escoltar, Mozart Manqué, és un Michael Jones qui té bona part de les cançons, però amb d'altres, amb un parell de les que escoltarem també són els tres membres de la banda els que hi participen com a vocalistes. Aquestes cançons d'aquest àlbum que avui recordem, en Frederick Goldman Jones, en dues de les cançons que també van ser èxit a càrrec de la formació. N'haurem repassat quatre, les quatre més conegudes d'aquest trio. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Bercé d'humiliation, de haine, d'ignorance, nourri de rêves de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, larmes au milieu d'un torrent? Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir ton une main? J'étais né blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur. Oh, les gens tombent de ces cris portés par le vent, rien ne sera comme avant. On saura jamais ce qu'on a vraiment. J'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps. La nuit t'habille dans mes bras, pas de rumeur et bruit de soir. Conquérant immobile, reine du sang des villes, je la suppose la temps demeure et meurt pourtant. Tombe les apparences, nos longs silences, les amants se perdant, ces mots solitaires à souffle de toi. Si près tu m'échappes déjà, mon intime étranger se trouve et c'est se défaire. À qui dit-on ces choses-là? Així hem escoltat amb aquestes quatre cançons al començament del nostre espai la música d'aquest gran personatge, Jean-Jacques Goldman, un dels millors intèrprets de sempre. Recordem d'ell, nascut a París l'11 d'octubre de 1951, de Carol Fredericks, aquesta cantant americana més coneguda per al seu treball en francès, nascuda a Springfield, en Massachusetts, el 5 de juny del 1952, i també Michael Jones, excepcional, és galès, cantant, guitarrista i compositor que viu a França des de fa molt de temps, nascut el 28 de gener de 1952. Després de Frederick Goldman Jones, és el moment d'escoltar el meu bon amic Àngel Rodríguez i la seva recomanació per aquesta setmana aquí a Olala Music. Endavant, Àngel. Què tal, Rafael? Salutacions cordials. L'any 2016, Lea Passy ocupava les principals posicions de cançons més populars a França amb el tema Pour Aléu. Lea Passy és una artista que va debutar en el teatre als 11 anys i que després va decidir dedicar-se a la música. Nascuda l'any 1996, avui debuta entre nosaltres en Pour Aléu i segur que no serà la darrera vegada. Te souviendras-tu de nos imprudences, d'une jeunesse qui pleure, des appels manqués? Sais-tu qu'aimais-tu le peu d'innocence au fond de nos cœurs, presque aimanté? Il a sûrement trop plu durant nos absences. Després de la col·laboració de l'Àngel Rodríguez, ja us vam avisar en anteriors programes, estem acabant dos àlbums en recopilatoris, dels quals us hem anat oferint dues cançons en cada un dels nostres programes. El primer d'ells era aquest Listen to the Difference. Avui acabem amb ell, amb les 16 cançons que en formaven part. Grans èxits internacionals en anglès, amb la seva versió en francès, Big Hits, The French Edition, tercer volum. Avui tenim dues cançons com el Shape of You, amb Sara, i el Dijamé Goodbye, No Woman, No Cry, a càrrec de Jen Manson. La boîte n'est pas le meilleur endroit pour trouver quelqu'un, alors je vais au bar. Mes amis et moi prenons des shots à une table et parlons doucement dans le noir. Tiens, par là, j'aimerais simplement discuter avec toi. Fais-moi confiance, je ne mords pas. Prends-moi la main, stop. Mais ma chanson au jukebox, viens danser avec moi. Et je chanterai, tu sais que je te veux. Je sens que tu es fait pour quelqu'un comme moi. Allez maintenant, suis-moi. Je suis sûrement folle, je ne sais pas. Dis-moi si je parle trop. Allons danser, mets ton corps contre moi. Allez maintenant, suis-moi. Allez maintenant, suis-moi. Je suis amoureuse de ton corps. On s'est attiré sans effort. Même si mon cœur l'est aussi, c'est mes yeux qui t'ont choisi. Hier soir j'étais dans tes bras. Il y a ton odeur dans les draps. Chaque jour qui passe est un nouveau défi. C'est mes yeux qui t'ont choisi. C'est mes yeux qui t'ont choisi. C'est mes yeux qui t'ont choisi. C'est mes yeux qui t'ont choisi. Chaque jour je découvre un nouveau décor. Je suis amoureuse de ton corps. C'est une histoire qui commence. On fait notre premier rendez-vous. Économe, t'en prends tout ce que tu veux. Remplis ton sac, je m'occupe de tout. On parle des heures de tout, du bien et du mal. On parle de la vie et de nous. Et là on prend un taxi, on s'embrasse et moi je dis que cette nuit va nous rendre fous. Et je chanterai, tu sais que je te veux. Je sens que tu es fait pour quelqu'un comme moi. Allez maintenant, suis-moi. Je suis sûrement folle, je ne sais pas. Dis-moi si je parle trop. Allons danser, mets ton corps contre moi. Allez maintenant, suis-moi. Allez maintenant, suis-moi. Je suis amoureuse de ton corps. On s'est attiré sans effort. Même si mon cœur l'est aussi, c'est mes yeux qui t'ont choisi. Hier soir j'étais dans tes bras. Il y a ton odeur dans les draps. Chaque jour qui passe est un nouveau défi. C'est mes yeux qui t'ont choisi. C'est mes yeux qui t'ont choisi. C'est mes yeux qui t'ont choisi. Chaque jour je découvre un nouveau décor. Je suis amoureuse de ton corps. Allez, laisse-toi aller, aller. Allez, sois mon bébé, allez. Allez, laisse-toi aller, aller. Allez, sois mon bébé, allez. Jamais goodbye. On dit des années. Mais qu'est-ce que t'as fait de ta victoire? Esteu escoltant Ulala Music. Aquesta és una de les cançons que setmanalment ens en recomana la Norma, la nostra col·laboradora. De bell nou, escoltem el cantant que va néixer el 28 de novembre de 1947, Michel Berger, i que va morir d'un atac al cor el 2 d'agost de 1992. Cèlebre per la seva música pop, va crear cançons molt populars per la seva esposa, French Gall, per la François Hardy i també per en Johnny Holiday. Michel Berger, Pour ma comprendre. Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami. Comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre, perdu dans le hasard. Je l'ai connue toute petite dans les bras de sa grand-maman. Dommage, dommage, j'aimais tellement son visage. Pour me comprendre, il faudrait savoir le décor de mon enfance. Le souffle de mon frère qui dort, la résonance de mes premiers accords. Pour me comprendre, il faudrait connaître mes nuits, mes rêves d'amour, et puis mes longues insomnies quand vient le jour. La peur d'affronter la vie, il y a peut-être quelque part un bonheur dont j'aurais eu ma part. Dommage, dommage, j'aimais tant ces paysages. Il faudrait la connaître mieux que je ne pourrais. Il faudrait l'aimer plus que moi. Et je lui dirais que je n'y crois vraiment pas. Pour me comprendre, savoir qu'après, à quoi sert de vivre encore un jour. Aquesta era la música de Michel Berger. Després d'aquest àlbum, amb el qual ja hem acabat, el Listen to the Difference, hi ha un altre àlbum que també hem estat escoltant diverses vegades en les darreres setmanes, dues cançons en cada un dels programes, i també arribem al final de les peces, de les 13 cançons incloses dins l'àlbum Els and Barbara, un disc que ens portava d'homenatge a aquesta excepcional intèrpret que es deia Barbara. El 2017 es va editar aquest àlbum. La primera de les artistes que escoltarem avui versionar la seva música és nascuda el 15 de febrer del 82 i es diu Elodie Frege. Parce que je t'aime és el títol d'aquesta cançó. Pas lent et portaient leur amour comme on porte un enfant. J'en ai vu comme nous qui allaient à pas lents et tombaient à genoux dans le soir finissant. Je les ai retrouvés, furieux et combattants, comme deux loups blessés. Que sont-ils maintenant? Ça, je ne veux pas. Je t'aime. Je ne veux pas nous déchirer. C'est mieux, crois-moi, de nous quitter avant que ne meure le temps d'aimer. C'est mieux, mieux. Avant ne meure le temps d'aimer. Le temps d'aimer. Le temps. Aquesta era una de les dues que us hem comentat. La següent, i abans de la companyia de Ciril Torres, que ja ens està esperant amb el nostre programa, és C'est trop tard, la música de Bàrbara, però en aquest cas amb la Melody Gardot. Comme des statues dans le froid jardin du silence, où les oiseaux ne chantent plus, où plus rien n'a plus d'importance. Plus jamais ne verront la mer, plus jamais le soir qui se penche. Les grandes forêts en hiver, mais nous

Doncs així, ens ha acompanyat Yuri Buenaventura i aquesta proposta musical que una vegada més ens ha servit en Ciril Torres a través del nostre programa. Estem finalitzant, estem amb els darrers minuts de Olala Music i per tant ens queda una cançó per oferir-vos. Una cançó que ens la portarà Zazi des del seu àlbum que avui recordem 1995, aquell Zen. Tindrem possibilitat d'escoltar més cançons d'ella en propers programes, també perquè és una de les artistes que ens han recomanat i així les escoltarem. Zazi, en Foi de Toi, és la cançó que acomiada avui al programa de Olala Music. Salutacions ben cordials, cordialíssimes, diria jo, de Rafael Corbí. Fins la propera ocasió. A reveure. J'ai du temps à perdre.